Attention. Merci. Attention. Attention, suite aux températures particulièrement élevées, on assiste à une recrudescence de gros lourdingues dragueurs. Ça, c'est moi, ça. C'est moi, ça. Pas n'importe qui, là. Elle me nomme, là. Gros lourdingues dragueurs. Bon, entre parenthèses, Rénal Gagné, là. Clio Vérin. Clio Vérin. Clio Vérin. Clio Vérin. Clio Vérin. Clio Vérin. Clio Vérin. Clio Vérin. Clio Vérin. Clio Vérin. Clio Vérin. Clio Vérin. Clio Vérin. Attention, attention. Suite aux températures particulièrement élevées, on assiste à une recrudescence de gros lourdingues dragueurs. C'est moi, ça. C'est moi, ça. Gros lourdingues, hein. C'est moi. On m'a repéré. On m'a reconnu. Facile, moi. Là. Moi, avec mes longues vues, là, qui zoom, je zoome, je passe ma vie à zoomer. À faire des gros plans, à tout observer, à regarder, à voir ce qui se promène, comme le chantait Alain Souchon sous les jupes. Sous les jupes des filles dans la grande vallée, ils sont au-dessus d'eux avec le valet. À vos orirans, à vos divanis. On comprend pas. On comprend pas ce qu'il se dit, là. Le chant du bûcheron. Enfant du fage avec tes amis. Aux orirans. C'est beau, hein? C'est de la poésie. Attention, attention. Suite aux températures particulièrement élevées. Particulièrement élevées. Ça, là, c'est en haut de du 30 degrés, ça, là. Ça, tu te sens là un peu comme le cochon, cuit à point, mais rosé à l'intérieur. Oh! Voulez-vous me couper pour goûter? Bon, ça saignera pas, c'est rosé. Hey, sous la dent, là, c'est merveilleux. Ça fond. Ça fond. Ça fond. Fond comme l'hiver. Oui, lorsque la neige fond. Pas comme ainsi font les petites marionnettes, ainsi font trois petits tours et puis s'en vont. Pas ça du tout. Alors, on assiste à une recrudescence de gros lourdingues. Gros lourdingues, ça c'est moi. Gros lourdingues. C'est moi. Dans le métro. Quoique à Québec, il n'y a pas de métro, mais admettons qu'il y en a un. Souterrain. Un endroit underground où tous les lourdingues se rencontrent. Pour regarder, pour observer par les pastilles des égouts les gens qui passent. Alors, le port de décolleté, ça, c'est les jeunes filles, là. Le port de décolleté, parce que les jeunes hommes peuvent aussi mettre des décolletés, les travelots, là. On la connaît-tu, des travelots, là, le samedi, qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui fait que go-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di- la décolte, hein, pas à peu près, là, juste en bas de la, du nombril. Avec le poil qui redresse, heureux d'être con. Et lorsqu'il est timide, il se la tourne. Il se la tourne, il se le tourne, il se la tourne ou il se le tourne. Mais c'est le poil, il se le tourne. Oh! Heureux de se la tourner. De se le tourner. De se le tourner. Et se le retourner. Et se le retourner. Amen. Amen. Alors, recrudescence de gros lourdingues. OK, dans le métro. Le port de décolleté pour les demoiselles. Et de robe pour les messieurs. Nous, à Québec, on sait très bien que les hommes préfèrent les robes. Ça les coince moins. Ça les coince moins. Ben, ça coince moins. Ça coince moins qui? Ça coince moins. Moins, moins, moins, moins, moins, moins, moins, moins, moins. C'est la danse des canards. Les porcs, le porc, le cochon, le gros cochon qui regarde dans le métro. Ça, c'est le lourdingue dragueur. Le port de décolleté et de robe un peu jolie semble amplifier le phénomène. Ça, c'est des gros, le phénomène des gros lourdingues, là. Public ne suit pas du tout. Là. On l'a perdu. J'ai un public, puis il est perdu dans l'espace. Là. Il se cherche. Il cherche la liane. Raccroche-toi à cette liane-là! La liane! Clio Vérin? Clio Vérin? Clio Vérin? Hein? Clio Vérin? Clio Vérin? Clio Vérin? Clio Vérin? Clio Vérin? Clio Vérin? Oh, tiens! Clio Vérin? Clio Vérin? C'est le chat qui me le met dans la gorge. Quoi? Ben, j'ai un chat dans la gorge. Ben, on l'entend, le roin. Ben, c'est ça. Il ne doit pas se montrer. Ouais, mais si tu ouvres la bouche, oui. Ben, on voit la queue. La queue du chat. Ah, mon Dieu. Ah, il lit ça à l'envers, lui. Alors, le port de décolleté, on est encore avec la... Attention, là. Alors, le port de décolleté et de robe un peu jolie. J'aime bien être coquet. Surtout avec ma robe écossaise, là. Hey, monsieur, c'est la bergère. Non, c'est le berger. Non, c'est le mouton. Non, oui. Arrête de dire non, toi. Arrête de frapper là-dessus, tu vas mourir du bien. Le cordon ombilical va te fondre. Alors, le port de... en parlant de fondre, lorsque je vois le décolleté du port... Dans le port d'Amsterdam, il y a des romaines qui se cachent derrière les épitaphes, et puis paf, j'en reçois plein la gueule. Non, c'est pas ça du tout. Alors, le port de décolleté et de robe un peu jolie semble amplifier le phénomène. L'air désagréablement et agacé semble être une bonne parade. Elle veut dire par là une bonne astuce. Et là, on se pose la question, est-ce que les astuces se sucent? On peut placer 3 points de suspension et continuer dans notre tête, là. Où ça? Dans notre tête. Notre quoi? La boule. Boule, pas la terre, là, mais si tu la perds, la tête, la boule, qu'est-ce qu'il arrive? Il arrive que la terre perd la boule. Ben oui, comme maintenant. Hey, en 2012, si on ne dit pas que la terre perd la boule, je sais pas où elle l'a. Elle l'a dans la boule. Dans la boule. Ah, mon. Et c'est un abord. La vérité sort de la bouche de plus qu'un débouché. Un débouché? C'est pas ça la vérité, là, mais on dit souvent que la bouche sort des enfants. Yeah! Allez, les petits enfants, là, sortez la bouche. Ah, mon Dieu, ça gomme. Monsieur le Président, on s'excuse pour les bouches et les enfants. Monsieur les patrons catholiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents, résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec votre court-circuiteur de réalisme. Merci. Rénald Le Néant, veux-tu arrêter de jouer avec le micro? Les gens entendent des gnignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignign décroche, je décroche quelques rivières. Oh, la source de la rivière. Oui. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ben oui, raconte. Elle coule. Oui. Et je la fais dériver. Et vers le vert. Et là, je m'en sers un bon verre. Un bon verre de quoi? Ben, d'eau de source, d'eau de rivière. Hein, monsieur, il n'y a pas de quelques poissons? Ben, c'est moi, le poisson. Oui, parce que quand je dérive quelques rivières, oui, dans mon verre, on a tout compris. Je prends quelques poissons. Oui. Et dans le poisson, oui, je me retrouve. Deux secondes de compréhension, oui. Quand je dérive dans la rivière, ah, laisse faire ça, toi, là, on sait que tu t'en souviens plus? Non, pas vraiment. Bienvenue à la douce rénalité, excusez-le, car il sait trop ce qu'il fait. Bienvenue, oh oui, bienvenue, ça va bien. À quoi bon faire cet arrêt de dire bienvenue, toi, là? OK. Non, non, mais je suis fâché, moi, là, là. Savais-tu... Attends un peu, là. OK. Savais-tu que là, là, je suis en rogne? OK. Bon, vas-tu t'arrêter là, là? OK. Sinon, là, on va te décrocher. OK. Puis si on te décroche, tu vas voir, ça va tomber. OK. Puis si ça tombe, les gens riront pas, les gens vont applaudir. OK. Hein, je suis fâché, hein? OK. Bon. J'ai des boules. OK. J'ai pas la banane. OK. J'ai pas la pêche. OK. Tu me tombes sur la tomate. OK. Je vais casser le cheveu en deux. OK. Bon. Hein? On mène tout ça et c'est une émission. Ah, l'émission, allez, ça roule, ça roule, ça roule, ça roule. De musique en musique, de chagrins en départ. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Sommes-nous assez ridicules pour vous, mon cher? OK. Bon. Il sait sa réplique, lui, hein? C'est pas compliqué. Facile, là. On lui demande pendant 2h30 de dire, lorsqu'on lui balance la phrase, « Ce n'est pas vrai, Johnny! » OK. Il dit ça. On a juste à dire, « C'est pas vrai, Johnny! » Il se met pas à chanter, là. « Le pantalon pénitentiaire. » Ça, c'est le frère de Barbara. « Bientôt, ça... » OK, là, à quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf, attention, Facebook veut manipuler vos informations. Et quand elle les manipule, elle cherche l'interstice. Elle cherche l'inédit. Elle cherche la fissure pour vous bloquer. Elle veut vous saisir, vous comprendre. Vous manipulez, comme je l'ai dit, là. Pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier, Rénal Gagné. Aujourd'hui, le vendredi 21 septembre 2012, errance, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Selon... Non, mais parce que je viens! Gaétan! Je viens! Ben oui. Je viens de comprendre. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes. Non, c'est pas je viens, c'est j'arrive. J'arrive! Mais qu'est-ce que j'aurais bien aimé pour un soir te comprendre, pour une nuit te caresser jusqu'au matin. Mais non. J'arrive! Bien sûr. J'arrive! Je n'ai jamais rien fait donc. Ouais. Hein? Oh, Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et croyez-moi, il attaque. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de l'habilleuse, chroniqueuse et fille de théâtre, Clio Vérin. On l'a-tu encore, la Clio? Attends un peu, la chanson, Clio. Clio Vérin. Clio Vérin. Clio Vérin. Clio Vérin. Clio Vérin. C'est le succès. Clio Vérin. Ah oui. Clio Vérin. Clio Vérin. Oh. Clio Vérin. Ça me mêle. Le chat, quand vous faites en... Je sais. En répétition, le chat paraissait pas. Je sais pas pourquoi vous... ça sort du sac. Non, c'est le lapin. Rouen, c'est pas un lapin, c'est un chat. Le lapin, ça fait... Ça me dérangerait moins quand j'entends... Si je pouvais entendre... Oui, mais c'est pas radiophonique. Mais là, m'entendez-vous? Je fais le lapin. Ben, c'est vrai, hein? Tu manges la carotte? Non, je fais le lapin. Qu'est-ce que tu fais? Ben, j'imite. Bugs Bunny. Bugs Bunny. Ben oui, Connard Docteur. Connard Docteur. Puis là, le docteur, il y a rien de neuf. Il y a rien de neuf. Tout est brouillon. chronophe de le temps. On recommence. L'écho. Merci. Clio-Vérin. Clio-Vérin. Clio-Vérin. Clio-Vérin. Clio-Vérin. Clio-Vérin. Clio-Vérin. Clio-Vérin. Clio-Vérin. Merci. Je me suis pas fait avoir ce soir. Enfin, maintenant, à cet instant, depuis, hein? Alors, Clio niche sous les toits de Paris, passe le plus clair de son, de ses journées dans les théâtres, traîna un temps ses guêtres à l'école du cirque, prend souvent la ligne 13 en ce moment. La ligne 13, c'est la ligne du métro pour les autres qui connaissent pas, hein? Connaissez-vous Clio Vérin? On la fait pas, hein? Clio Vérin, tout. Non, non, OK. La connaissez-vous? Non? OK. Je vous la présente. C'est mon amie. Pauvre elle. Elle dénie, là. Ah, je le connais pas. Je ne connais pas ce type. C'est un... Non, non, non, non. C'est un malade. OK. Alors, elle déteste l'hiver. Oh! Ah, que l'hiver tardera à passer quand on le prend à sa fenêtre avec des... Si on va lui faire chanter cette... Non, on va lui faire entendre cette chanson. Et puis, adore le camembert. Ça, c'est un grand homme de théâtre, camembert. Il sentait le fromage, ça n'a pas de bon sens. Porte régulièrement une casquette de Jules et Jim's. Donc, c'est Jules et Jim, en fait, de François Truffaut. Et j'ai jamais vu avec ça, moi. Pas avec François Truffaut, parce qu'il est mort, là. Sans doute que François se serait amouraché de Clio. Je suis convaincu de ça. Une femme de théâtre, là. Non, une fille de théâtre. Une demoiselle de théâtre. Migre l'été venu au Festival d'Avignon. Heureusement qu'en 2012, elle n'y était pas. Aime les rencontres improbables. Ça, c'est nous. Et n'aime pas trop parler d'elle, quoique, hein, elle est rentrée canadienne, elle s'est dévoilée, là. À la troisième personne, c'est vrai, elle n'a pas dit « elle ». Elle, c'est une vraie tourterelle qui cherche la demoiselle. En juillet 2012, Erance Renaldienne se trouvait à Paris pour rencontrer cette jeune fille multidisciplinaire. Un voyage chargé pour cette nuit estivale. Laissons la place à la musique. May 10th. Thank God for the rain, which has helped wash away the garbage and the trash off the sidewalks. I'm working long hours now, 6 days a week, sometimes 7 days a week. It's a long hustle, but it keeps me real busy. I can take in $350 a week, sometimes even more when I do it off the meter. All the animals come out at night. Buggers, queens, fairies, dopers, junkies. Sick, venal. Someday a real rain will come and wash all this scum off the streets. I go all over. I take people to the Bronx, Brooklyn. I take them to Harlem. I don't care. Don't make no difference to me. It does to some. Some won't even take spooks. Don't make no difference to me. Each night when I return the cab to the garage, I have to clean the back seat. Some nights I clean off the blood. 12 hours of work and I still can't sleep. Damn. Days go on and on. They don't end. All my life needed was a sense of some place to go. I don't believe that one should devote his life to morbid self-attention. I believe that someone should become a person like other people. Follow me my whole life, everywhere. Bars and cars, sidewalks, stores, everywhere. There's no escape. I'm God's lonely man. June 8th. My life has taken another turn again. The days move along with regularity, over and over. Then suddenly, there is a change. June 29th. I gotta get in shape now. From now on, it'll be 50 push-ups each morning, 50 pull-ups. From now on, it'll be total organization. Every muscle must be tight. The idea had been growing in my brain for some time. True force. All the king's men cannot put it back together again. You talking to me? Then who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. Who do you think you're talking to? Oh, yeah? Huh? Okay. Listen, you screwheads. Here is a man who would not take it anymore. A man who stood up against the scum, the dogs, the filth. Here is someone who stood up. Now I see it clearly. My whole life is pointed in one direction. I see that now. There never has been any choice for me. À moi je ne sais pas à toi pourquoi si bien dans ma. Et c'est comme ça. C'est un Français qui dit. Après, si c'est un Québécois, c'est pas la même chose du tout. On dit, mais surtout, ah ouais, ça vient de Québec. Oui, en plus. Mais quand même, je trouve que Coriel, c'est plus réaliste. Surtout que c'est français. Bah oui, bien sûr. Mais bon. C'est ça. Il a pas pris. Celui-là, en France, il a pas pris du tout. Hein. Bah, quoi que ça peut fonctionner, je sais pas. C'est... Ah, je sais. Celui-là, j'ai des doutes. Pourquoi? C'est parfois... Enfin, quoi que, après, tu sais, les modes, ça, c'est tellement... ça change tellement. Aléatoire. Ouais. Ah, c'est des... Ok, chez nous, il y a des Benson qui sont comme ça. Bah là, il y a plein de cigarettes qui sont toi, comme ça. Toi, c'est Vogue, ouais, ouais. Moi, c'est des Vogue et à la menthe, en plus. C'est très féminin. Nous, les gens qui achètent ça, c'est plutôt des femmes. Ouais, ben bah, nous pour la aussi, sacoche. Ouais, bah ouais, parce que c'est... C'est très fin. Ouais, ouais. Mais j'ai plein de copines qui fument pas, qui me disent « Ah, c'est con que je fume pas, sinon j'en prendrais des comme ça. » Mais c'est de plus en plus aussi, pour les non-fumeurs, des cigarettes aromatisées. Ouais. Cerise, framboise, ah raisin. Bon? Oh, il y a oui. ça oui, à oui, la oui. cerise. Oui. Ah, oh, j'adorerais. Mais ça. Mais le plus gros vendeur, c'est vanille, parce que je travaille dans ce milieu-là. C'est vanille et raisin. C'est raisin. Oui. C'est drôle. À un moment, ils avaient fait. Mais des... ça sent vraiment. Quand tu prends ton paquet, ouais. là, tu sens, là, ça sent le raisin. Ah, c'est drôle. Oui, c'est hallucinant. Et à un moment, ils avaient fait des cigarettes roses aromatisées. Enfin, il y en avait au chocolat et à la vanille. Et quand, chocolat, et quand, oui, ça fonctionnait. Et en fait, quand tu les mettais dans la bouche, c'était sucré. Et, et ça a été interdit parce que ça c'était trop les... Les jeunes, les mineurs. Les petits, oui. Ouais. Ben, ouais. Ouais, mais c'était pas très bon, mais c'était assez joli, ces cigarettes roses. Oh, oui, ça, oui, c'est ça. Mais chez nous, sucré, il y a... ici, ça prend 18 ans. Ouais, ben là je crois qu'ils n'ont plus le droit, les mineurs. Ou, je sais pas trop quoi. Ben, en tout cas, d'en acheter... De fumer. Non, mais mineur 18, ici. Ouais, bah ouais, c'est pareil. Ouais. Aux États-Unis, c'est 21. Ouais, je sais, c'est nous. Ouais, ouais, ouais. Enfin, après, tu me diras, ça dépend. Mais ouais. C'est étrange parce que le permis de conduire, c'est 16 ans. Puis fumer, c'est 18 ans. Donc, ouais, que veux-tu. Ben, bonjour. Bonjour. Pio, comment ça va? Écoute, ça va. Ok, ben écoute. Ça y est, ça tourne, là. Oh, oui, ça tourne. Ça devient un moment. Oh, oui, oui. Voilà. En fait, toi, tu gravites autour du théâtre. Ouais. Tu te dis pas... tu n'es pas dans les vêtements, tu es si, habilleuse? Je suis habilleuse, mais je ne suis pas costumière. OK, c'est quoi la différence? Alors, l'habilleuse, c'est celle qui habille et qui déshabille les comédiens sur scène. OK. Et la costumière, c'est alors celle qui soit qui fait les croquis pour les costumes, okay, qui les réalise. Après, ça englobe plusieurs trucs. Généralement, les habilleuses sont costumières. Et moi, c'est pas mon cas, parce que la couture me fait chier. Mais pourquoi tu te retrouves habilleuse ici? Par passion du théâtre. OK. Pour être vraiment à côté de ce monde-là, dans ce monde-là, enfin, pour m'approcher au plus près de ça. Et en fait, je m'en approche près quand même, quoi. Parce... Mais c'est pas quelque chose de création dans ce truc-là. Donc, pas pour... Mais tu pouvais pas être comédien ou, pourquoi? Pas mon truc. Ah, OK. Pas mon truc. Pourquoi? Je sais pas, parce que c'est j'étais pas bonne, parce que en fait je suis pas devenue du tout habilleuse par dépit par rapport à un désir d'être comédienne que j'aurais pas réalisé. Ça donne des méchants mots de cœur. de vivre dans l'échelle de valeur. Y'en a qui vivent sur les trottoirs et dans des manoirs. Y'en a qui fouillent dans les poubelles et qui usent leurs semelles. Pour l'autre, c'est Noël tous les jours et ils marchent sur du flou. Oh, judicieux à part de tous tuer le dada. Tu humaines le cortège, on embarque tous dans ton manège. Oh, oh judicieux à part, t'adores la bêtise crasse. Tu creuses toujours la crevasse entre les rois, c'est les parias. L'argent est dans le bois de la colline et nous on reste près de la machine. On reste assis à son pied comme des petits chiens bien dressés. Mais pourtant c'est au sommet que la vue a son portrait. Mais pourtant c'est au sommet que le paysage a son palais. Oh, judicieux à pas de tous tuer le dada. Tu humaines le cortège, on embarque tous dans ton manège. Oh, oh judicieux à pas, t'adores la bêtise crasse. Tu creuses toujours la crevasse entre les rois, c'est les parias. Y'en a un qui vit que pour toi, d'autres qui meurent sans toi. Y'en a qui assassinent pour toi, d'autres qui se grèvent pour toi. Il y a longtemps, mes amis, qu'il est dans nos murs l'ennemi. Aujourd'hui, il a son trône et il siège au top du monde. Oh, judicieux à part de tous tuer le dada. Tu humaines le cortège, on embarque tous à ton manège. Oh, judicieux à part, t'adores la bêtise crasse. Tu creuses toujours la crevasse entre les rois, c'est les parias. D'un kilo de futur, des messieurs incomplets vestons m'ont invité à une grande déception. Maintenant je ne pleure plus, je ramasse des vies pour le jour J. Et dans mon cœur, bon cœur, je frappe monnaie à ton effigie. Va-t'en pas. Dehors les chemins sont coulants, les serments de rosée. Va-t'en pas. Dehors il y a des silences bondés d'autobus tombés sur le dos. Qu'ils sont au bouquet de clés, aux bijoux de panique. Ils vont asseoir dans un bureau pendant qu'ici il fait beau. Ils perceront l'écran pour t'offrir une carrière ou noyer ton enfant. Les lois, les cadenas et les eaux. Va-t'en. Dehors, y a des orgies d'ennui jusqu'au fond des batteries. Va-t'en pas. Dehors, j'ai vu un ciel si dur que tombaient les oiseaux. Du temps et dans les lignes du ciment. Toi, tu as des yeux qui trahissent le sort, tu mérites l'amour. Maintenant que tu vois tout ce qui n'existe pas, et si tu veux venir, Neptune me guide. Où j'ai semé des larmes, mes armes sont en fleurs. Va-t'en pas. Moi j'ai tant d'amis, je peux pas les compter. Va-t'en pas. J'ai autant d'amis que mille Mexico. Là, il faut attendre. Parce que je viens de compter, cet album-là, de Richard Desjardins, Tu m'aimes-tu, a 22 ans. 22 ans. Il a été réalisé en 1990. Ça passe vite. Le temps passe et trépasse dans un monde d'angoisse. Tout colle. Il fait tellement chaud ici que tout colle sous ma peau. Alors là, ici, maintenant, attribuons même le plastique. Pourquoi il y a du plastique? Oui, mais les couvertures de CD sont en plastique. Ma tête est en plastique. Non, ça, c'est ton casque de bain. Mon bonnet de bain est en plastique. Ton bonnet, oui. Oui, vas-y, le bonnet. Merci, c'est moi. Je suis très bonasse, moi. Oh, ma charmante épouse. J'ai dit « Ose, Joséphine, ose me trouver vulgaire et prétentieux, homophobe, sexiste, humaniste et péquiste. Ose! Je continuerai à t'aimer. Je continuerai à te trouver plus belle que l'île de Mexico. » Mexico n'est pas une île. Ben, l'île de Fiji, dont la paix. Il veut rien savoir de toi. Il mire une autre amoureuse qui n'est pas toi. Verse une bonne larme. Une très bonne. Est-ce que je peux me concentrer pour en verser une vraie grosse bonne? On a la vraie grosse bonne. On a Adèle ici qui est une bonne. Une bonne larme, une grosse larme, une larme. Il pleut des larmes dans le vent du soir, noyant ma peine et mon désespoir. Non, c'est pas celle-là, mais une grosse larme. Celle qui va passer dans le Guinness. Celle qui va noyer des naufragés. Ben, ils sont déjà naufragés. Ben, ils verront monter l'eau. Oui, ils se montrent. Oui, ils vont montrer aussi la lampe qui va tomber. Attention! Alors, je peux-tu en verser une grosse? Ben, concentre-toi. Oui, je place ma feuille là. Mais il vente ici. Ben oui, il y a un vent de ventilateur. Hein? Ça fait peur, le ventilateur. OK, voici. Là, déconcentre-toi pas, là. Focus sur la lampe. Je suis pas un photographe, mais focus quand même. Focus toi-même. Oui. Focus. Non, c'est pas ça. OK. Concentre-toi. comme un sumo. OK. Attention. Attendez. Vas-y, l'alarme. L'alarme va partir. Là. Non, la. Ben, oh, les, tu crois? Oui. L'alarme. Oui, oui. Non, l'alarme. Là. Ben, quelle. L'alarme ou l'alarme? Ben, c'est ça, les deux larmes. Oh, mon Dieu. Ça va faire du bruit, les ambulanciers vont arriver, puis ils vont chanter une belle nuit, une sirène appelle ou tout. Non, c'est. Verse-la, OK. Et bouche-la. Mais si je la bouche, elle ne dégoûtera pas. Non, mais bouche ta bouche et verse ta larme. Oh, monsieur, OK. Bouche ta bouche, verse ta larme. Bouche ta bouche, verse ta larme, tu verras, ça ira mieux. Bouche ta bouche, verse ta larme. Verse ta larme, bouche ta bouche, verse ta larme, tu iras mieux. Bouche ta bouche, verse ta larme. Veste. OK, ah oui. Bloque ta vessie et lâche ta larme. OK, attention, Gaétan, es-tu prête? Mets ta chaudière en bas. Hey, c'est radiophonique, ça, la larme qui va tomber. Ben, ça va faire un tremblement d'eau. On va appeler, il y a déjà les plombiers qui vont déboucher. Non, ils n'ont pas de... Verse-la déjà, puis on appellera ce qu'il faut lorsque le moment sera opportun. Oh, mon Dieu. Faut pas... Non, il faut passer à Bukowski. Verse-la. OK, moi, la verser. Attends, je me concentre. J'inverse. Ça sent bien. Je pense à des affaires tristes, là. Ah, lorsque j'étais petit, je n'étais pas grand. Je montrais mes fesses à tous les... Non, c'est pas celle-là. Attends, oui, ça se commande pas, les larmes, là. Mes copines m'ont quitté, je vous le dis, ça vous arrivera, ça vous aussi. Ça sera bien. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil Contes et Nouvelles. Il ne s'est rien passé. Bouge ta bouche, verse tes yeux. Bref, cessons les... Et verse tes yeux, oui. Verse tes yeux, point, point, dans le verre. Moi, je vais prendre trois verres de quenouille. Des gros quenouilles ronds. Gros et très malin. Là. Tu regardes dans le verre. Ça va bien, ça va très bien. Alors, bref, cessons les traductions et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. La première phrase, c'est « Harry attendait l'ascenseur devant l'immeuble. » Nous étions à Manhattan. On attendait à Manhattan. On attend... Il faut être patient à Manhattan. Parce que c'est le moment où on doit attendre son tour. Il y a tellement de monde à Manhattan. Il y a des artistes. Enfin, des gens qui se croient artistes. Ah, comme la neige a neigé, lâche mon Alligan. Après, on essaye de citer Molière, Shakespeare. Ah oh, ouais. Ah oh, ouais. Et c'est bon, ça. C'est presque moliéresque. Ah ben non, Molière, c'est avec l'enfant qui naîtra de nos jours. Avec la pluie qui tombera sur juillet, avec autant d'avec. Qui? Avec autant d'avec. Bonjour à notre Gaétan, j'ai jamais entendu ça de Molière. Il est vent. Nous inventons point. Il est fâché. Nous nous fâchons point. Point sur la gueule, tu auras. Ah mon, c'est violent ça! C'est bien beau attendre, mon Harry, mais il faudrait peut-être sonner, là. Parce que sinon, la porte s'ouvre pas tout seul, là. C'est pas Alibaba et les enfants sont là, là. Non, c'est pas ça. C'est quoi, donc, Alibaba? C'est « Ouvre-toi, verra ». Non, « On verra si tu t'ouvriras ». Non. Attends un petit peu. Ça fait partie des mille et une nuits, là. Alibaba et les enfants sont là. Non, lâche les enfants. Petits enfants. Non, c'est... Il n'y a pas d'enfant là-dedans. OK. Alors, donc, les enfants, ça ne se cache pas pour... Oui, ils ne se cachent pas. Il n'y en a pas. Qu'est-ce que c'est? Ali Baba? Non, lâche le Baba! Deux babas au rhum, s'il vous plaît, madame la... La pâtissière. Je suis pas une pâtissière. Madame la... La goûteuse. Je suis pas une goûteuse. Ben, madame qui pétrit. Je ne pétris point. Ben, voyons là, qu'est-ce que tu fais? Je fais de la garniture gastronomique. Oh, mon Dieu. Encore quelque chose qu'on se souviendra pas. De la garniture gastronomique. Qu'est-ce que c'est que de la garniture gastronomique? Je vais vous expliquer. On n'a pas le temps. Non, on n'a pas le temps. Puis, okay. Non, non. Monsieur, avez-vous le temps, vous? OK. OK. Mais le monsieur a le temps. Alors, qu'est-ce que de la garniture gastronomique? Tout d'abord... Et quand ça commence par tout d'abord, il faudrait... Non, dites pas OK, vous. OK. Monsieur, là, elle va partir. Elle, là. Si elle part, là, on a pour 3h30 d'errance rénaldienne. OK. Non. C'est cloisonné, notre émission. On est... coincé dans 2 heures, 120 minutes, 2 fois 60 minutes, 2 fois 1 heure. C'est-tu compliqué, ça, là? Si vous dites « OK », là, vous, allez-y. « OK, okay. ». Ben, hey, c'est comme moi, hein? On dirait que c'est moi qui dis ça. « OK, allez-y. »« OK. » Ah! Il m'imite. Si vous commencez à dire ça, là, la dame va commencer à relater, à expliquer. Si elle explique... Elle risque de faire comme mon émission, là, s'évaporer. Puis si elle s'évapore, mon ami Harry, qui attend en bas, il sait pas s'il doit sonner, lui, là. Il est déjà sonné, il a reçu 2 uppercuts. Du gauche, de la gauche, de la gauche. À de la gauche, à de la droite, à de la bite, à de la bite, bite, ah ouais, ah ouais, la bite, bite, bite, ah ouais, non, c'est pas ça. Deux gouttes de larmes, là, dans Dans le museau, il saigne du nose, du nez, du nez, du nez, du nez, du nez, du nez, ou du nez, ou du nez, il dit nous. Non, c'est lui qui nie. Il saigne du Fabrice. Ah, mon Dieu. Puis là, on lui a dit, Fabrice, c'est pas de Nice. Non, Fabrice de Nice. Vanissa. Vanissa, le bis, le bis, est toujours dévêtu. Dites jamais que je vous dis ça. Non, j'ai... Comment ça? Dites jamais que je vous ai dit ça, ou Mélissa me tue. Car derrière ces canis, Mélissa... Allô? Monsieur? OK. OK, monsieur, vous êtes là? OK. Bon, vous aimez ça l'émission, là? OK. Croyez-vous que nous sommes bien partis? OK. Il sait pas ce qu'il dit, lui. On va attendre. Harry, il risque de sonner un jour, là. Peut-être que sa tête vibrera et que son doigt pèsera et que la sonnette émanera. Amen. C'est bon, ça, là. Monsieur Bubu. Comment ça va, monsieur? Amen. Oui. Amen. Amen. OK, ça s'arrête. Il pèse, jamais son doigt va presser sur la petite pitoune. Quoique, il y a bien des pitounes à Manhattan, hein? Il y a de la belle pitoune. Il y a de la pitoune rouge qui s'illumine. Il y a la pitoune non illuminée, qu'on adore aussi. Et il y a la pitoune furieuse, qui, plus tu presses sur elle, sur la pitoune, moins elle veut sonner. Tu dis, voyons donc, c'est une supercherie, il y a une caméra quelque part, on va passer à la télévision, que se passe-t-ils? Où vont-elles? Qu'asperges, coucourges? Que des meubles entachés de sonnettes cherchent le sonnet à jamais qui rejette l'ascenseur qui ne descend plus, l'ascenseur qui ne monte plus, l'ascenseur qui stagne. Quand ton public veut savoir le titre de la nouvelle de Bukowski, c'est « L'homme qui aimait les ascenseurs ». Je connais « L'homme qui aimait les femmes » là, de Truffaut, mais il y a « L'homme qui aimait les ascenseurs » de M. Charles Bukowski. De la moutarde, du pain du beurre, de petits oignons, des confitures et des œufs durs, des cornichons, des cornets de bif et des biscottes, des macarons, un tire-bouchon, des petits beurres et de la bière, des cornichons. On n'avait rien oublié, c'est maman qui a tout fait, elle avait travaillé pour nous sans s'arrêter, pour préparer. Le poulet froid, la mayonnaise, le chocolat, les champignons, les ombres boîtes et les tomates, les cornichons. Les confitures et les cornichons, la moutarde et le beurre, la mayonnaise et les cornichons, le poulet, les biscottes, les œufs durs et puis les cornichons. J'ai essayé d'être comédienne très doucement, hein, très mollement, pendant quelques temps. Ouais. Et en fait, c'est vraiment pas mon truc. Et ça implique des choses que moi, je supporterais pas. C'est assez. Alors. Je voyais ça surtout quand j'ai commencé à être habilleuse. C'était d'être. Enfin, c'est un peu fort ce que je veux dire, peut-être d'être un peu jouée du metteur en scène. Enfin, ok, oui, oui, oui. Oui. Enfin, c'est quand même très. Être esclave un peu du metteur en scène. Non, faut pas déconner non plus. Okay. Et puis, en plus, mon jugement s'est vachement affiné depuis. Mm-hmm. Tu m'entends là ou pas? Oh, oui, oui, très bien. Mais non, en fait, je crois que c'était juste pas mon truc du tout. Et ouais, enfin, j'aurais pas supporté. Et vraiment, ce que j'aime, c'est les coulisses. Ok. Mais j'écris aussi. Oui, effectivement, tu es sur le site du Rond-Point. Hein? Mais est-ce que c'est l'écriture qui te plaît davantage ou... Oh, mais ouais, bien sûr. Ok. Pour, t'as une formation? Non, pas du tout. Ok. Non, c'est sorti comme ça. Puis t'es caustique, hein? Je suis caustique, oui. Tu trouves? Oui, oui. Mais ben non, oui. Non, mais même les petits messages sur Facebook, parce qu'on s'est connus sur Facebook. Ouais. Donc, je crois que c'est des comédiennes et des comédiens que l'on avait comme amis. Et oui, je t'ai vu à travers Jean-Marc. Tout ça. Donc, oui, exactement. Et là, j'ai trouvé ça intéressant, surtout que tu n'étais pas comédienne, mais tu étais greffée à ces gens-là. Donc, je me disais, quel est ce personnage? Et là, tranquillement, tu montrais des photos d'une main qui avait reçu, je ne sais pas, peut-être que tu t'étais blessé à un moment donné. Ah oui, dis, oui, mes blessures de guerre. Oui, exactement, oui. Et là, j'ai fait le rapport. Je suis sûr que c'est derrière, mais là, quel univers encore? Puis là, je t'ai posé des questions. J'ai dit, t'es costumière. Là, tu avais une hésitation et voilà. Donc, t'es pas couturière, mais t'es costumière. Voilà. En fait, si j'étais... Non, je ne suis pas costumière. OK, OK. Je suis habilleuse. Habilleuse. Parce qu'en fait, j'ai commencé à apprendre un petit peu la couture et je me suis très vite rendu compte que ce que j'aimais, c'était être là où ça se passe, sur un plateau de théâtre ou alors de cinoche. Mais là, et tout ça. Habilleuse, tout fonctionne. Ça va très bien sur le comédien ou la comédienne et tu l'habilles. Bah, tu sais, pendant les pièces, souvent, il y a des... Il y a des changements de... Oui, de costume. De costume. Oui. Enfin, ça va hyper vite. Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Moi, je vais prendre un café allongé. Oui, même chose. Merci. Ça va nous réchauffer. Voilà. Ouais. Moi, j'ai pas froid. OK, moi non plus. Moi non plus. Mais t'étais habillée en conséquence, hein? Non, pour non, un mois de juillet, c'est incroyable. Non, j'ai mis ma nouvelle robe que j'ai achetée. Non, mais le manteau. Ah, c'est ça? Oui. Qui t'a croisé dans... tu m'as dit dans une lingerie fine? OK, t'appelles-tu M? Non, tu rends mal à l'aise les hommes qui vont acheter... Ben moi qui les rends mal à l'aise, mais j'aime bien leur... Chaque fois que je vois un type qui est dans une boutique de lingerie, il a l'air hyper emprunté, il est au milieu des trucs, il n'ose pas ben bouger. Oui. Puis là, surtout, ça gravite autour de la femme ouais, est là, puis autour. Donc, non, c'est drôle. Et bien, toi, c'est la mademoiselle, parce que t'es pas... Ah ouais, j'aime pas comment... Non. Pourquoi est-ce que c'est... Est-ce que j'ai c'est... toujours détesté ça. Parce que ça... c'est trop pesant? Alain Souchon préfère dire garçon, comme, donc on dit de ouais, non, mais je comprends. Mais moi, depuis quelque temps, je m'amuse à appeler à peu près tout le monde jeune homme. OK. Mais... Même les vieux? Ouais, mais justement, enfin, okay. Je sais pas, les garçons de café ou quoi, je dis merci, jeune homme. Tu vois leur visage s'illuminer. Oui, oui. Ben, moi, quand on me dit mademoiselle, ça me fait plus plaisir que qu'on m'appelle madame. Quand on m'appelle madame, j'ai l'impression d'avoir 42 ans, que j'ai d'ailleurs. Ah, moi 45, donc voilà, on les fait pas, donc on fait, non. Nous on fait la trentaine. Ouais, voilà, ah, on ouais, fait ben plus écoute, jeune, ouais. On est dedans. Thank you. the sky is red and the world is on fire, and the corn is taller than me, and the dog is tied to a wagon of rain, and the road is wet as the sea. Sometimes the music from a dance will carry across the plains, and the places that I'm dreaming of, do they dream only of me? There are places they never sleep, and the circus never ends. So I will take the Marylebone coach and be whistling down the wind. So I will take the Marylebone coach and be whistling down the wind. Toujours sa gueule. Mais qu'est-ce que ça peut bien faire que je vive pas la même vie que mon père. Qu'est-ce que ça peut bien faire que je me prenne pour un univers. Qu'est-ce que ça peut bien faire. Qu'est-ce que ça peut bien faire quand il n'y aura plus rien qui me fera rire. Qui c'est qui viendra mourir à ma place. On est toujours seul. On finit toujours avec sa gueule. Qu'est-ce que ça peut bien faire. Que je grimpe les murs, que je vive dans les airs. Oh, c'est pas trop fort. J'ai pas envie de mourir avant d'être mort. Oh. Je veux pas descendre avant d'être arrivé au bord. Donne-moi le temps de prendre mon temps. Donne-moi le temps de m'habituer à respirer. Mais qu'est-ce que ça peut bien faire. Qu'est-ce que ça peut bien faire. Mais qu'est-ce que ça peut bien faire. Quand moi j'aurai le cœur à l'envers. Qui c'est qui viendra mourir à ma place. On est toujours seul. On finit toujours avec sa gueule. Mais qu'est-ce que ça peut bien faire si je veux pas vivre la vie de mon père. L'enfer, l'enfer, l'enfer, l'enfer, l'enfer, l'enfer, l'enfer. L'enfer, l'enfer, l'enfer, l'enfer. L'origine me dit, Régine me dit, à l'origine, cette chanson est de Stéphane Escher. Ben, je lui dis non. Ma belle Régine, ouvre ta bouche, ferme les yeux, tu verras, ça ira mieux. Cette chanson, ma belle Régine, c'est de Jean-Pierre Ferland. Elle a été écrite il y a à peu près 32 ou 33 ans. C'est pas indiqué sur le disque, sauf si je le retire de son... Attendez un petit peu. 1995, mais ça, c'est pas... 95? Non, ça me surprendrait grandement. Je crois que c'est l'impression de l'album. Mais admettons que c'est en 95. Stéphane Escher l'a enregistré en 2008-2009. Alors, à l'origine, c'est d'un Québécois, Stéphane Escher. Stéphane, hey, oui, oh non! Non, excusez-moi. Gaétan, oui, allez chercher. OK, Stéphane Escher? Non, l'homme qui a mal dirigé sa présentation. Rénal Grenier? Est-il au grenier? Ah, il est très, très bas. Il est où? Il est dans le noyau. Dans le noyau, montez-le dans le noyau. Il doit avoir chaud dans le noyau. Ah, pour être chaud, il est chaud. Montez-le, il est grillé. Il sent pas, un petit peu. Il y a sur son corps, ah mon doux, un petit peu de braise. De braise qu'on s'empresse de sortir l'homme de sa braise. Oh, c'est bon, c'est très théâtral, merci. Comme le mentionnait Jim Morrison, j'aime ça, moi, la théâtralité. L'existence à peine voilée. J'ai rencontré à la fin de mes discussions radiophoniques à Paris, quelqu'un qui me disait, moi, j'aime pas le théâtre, moi. Moi, j'aime pas le théâtre. Les gens qui disent, ah, voici l'être, et qui projettent, là, c'est pas la réalité. Au contraire, lorsque tu oublies tout ça, là, après 15-20 minutes, quoique souvent, c'est tellement du réel que tout ce qui s'allume devant toi est réalité. Donc, comme le mentionnait Jim Morrison, qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, réalité, allumé, projecteur, acteur, gens qui s'offrent devant nous dans un spectacle vivant. Oh mon Dieu! Plus vivant que la réalité, quoi qu'il... Il tente de nous faire oublier la réalité pour recréer leur réalité. Oh mon, est-ce que je peux prendre ça dans la note? Les étudiants. Oui. En théâtre. Oui, au Québec, on dit en théâtre. OK. Les étudiants en théâtre devraient avoir un petit crayon au bout de la mine. Oui. Et une mine réjouie. Oh. Pour se dire qu'ils vont créer autour d'eux l'oubli de la réalité pour créer leur propre réalité. Ah, c'est compliqué, ça, là. Est-ce que je peux me reposer? On se repose déjà trop, là. On est en 2012 dans une société qui dort et qui dort et qui s'endort et qui aime bien se trouver réconforté dans leur trésor d'endormissement. Ah, mon Dieu. Comme le mentionnait Jim Morrison. Errance rénaldienne, se dit-il en grattant le nez. Ben, les gens l'ont pas vu. Et non, mais ils l'ont entendu. Ah, tu crois? Ben oui, je crois tout. Errance rénaldienne, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. Oh, c'est pas vrai. C'est très vrai. Cette semaine, et ça jusqu'à l'épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons et poursuivrons et lèveront à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe « tasse ». Alors, on pourrait bien tasser quelques individus vulgaires venus de stratosphères non accueillies dans notre émission. Lesquels? Les gérants d'estrade. Oh! Les gérants. Les gérants. Les gens qui gèrent. Oh! Qui croient gérer, mais qui digèrent leur médiocrité. Comment on fait ça? Ben, c'est très simple. Pour digérer sa propre médiocrité, il faut ne pas se comprendre. Oui. Se projeter comme étant le meilleur. Oui. Et surtout, ne pas faire ce que les autres font. Eh, monsieur, comment on peut produire ça? Non, il faut reproduire. Reproduire quoi? Tout le temps, il faut reproduire la fausse réalité quand on est gérant. On gère. On gère quoi? Je sais pas. Eux-mêmes le savent pas, mais ils le font sur le tas. Comme au théâtre. Les théâtres sont là pour... Pour divertir. Ouais. Oui, vous avez raison, monsieur Thibodeau. Thibodeau. Ti-ti-ti, bo-bo-bo, Thibodeau. Oui. Hein? Thibodeau, c'est qui, ça? Hein? Oui, c'est vous, monsieur Thibodeau? Hein? OK, monsieur Thibodeau? Oui. Monsieur Thibodeau? Oui. OK, vous êtes là? Oui. OK. Vous écoutez l'émission depuis le début? Oui. Aimez-vous ce qui se passe depuis presque 1h35, 1h15? Oui. Ça fait 1h15? Oui. C'est pas vrai. On l'a eu, ça fait pas 1h15, monsieur. On l'a eu. Non, huez-le pas, c'est, C'est notre invité. Il faut l'aimer. Il faut lui dire, vous êtes bon, vous êtes extraordinaire, on vous embrasse. Monsieur? Oui? OK. On vous a pas ridiculisé, j'espère. Oui? Oui! Oh, mon Dieu, Seigneur. C'est la faute à Gertrude. Vous la connaissez, Gertrude, hein? Oui. C'est votre épouse? Oui. C'est votre épouse? Oui. Et puis, 23 ans? Oui. A-t-elle commis l'adultère? Oui. Hey, est-ce qu'on doit arrêter l'émission? Doit-on continuer l'émission? Oui. Okay. Vous voulez en parler de votre charmante épouse? Oui. Elle a commis l'adultère? Oui. Comment avez-vous pris cette trahison? L'avez-vous aimée davantage? Oui. Vous lui avez dit, je vous pardonne, ma douce aimée? Oui. Monsieur, vous êtes un sage, le saviez-vous? Oui. Vous êtes sans doute aux cieux, ça veut dire dans le ciel, en haut, là, et on meurt, j'allais dire on crève. Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Avez-vous entendu la mort, monsieur? Oui. C'était merveilleux, hein? Attendez, on le refait en studio ici, là. C'est Surround Digital Dolby, là. Oh, oh. C'est le coup, hein? Avez-vous senti le coup? Oui. Aimez-vous ça, les coups? Oui. Votre épouse vous en a-t-elle donné? Oui. Vous êtes un homme... Oui. C'est un homme. C'est un homme. Quand même, là, on est devant quelque chose d'assez important. Vous le saviez, monsieur, vous êtes... Oui. Okay. Hey, c'est tout, lui. C'est pour ça que sa femme... Là... Non. Vous êtes là, monsieur? Oui. Oui. Non, on était convaincus que vous étiez là. Je sais pas pourquoi, hein? Madame, vous saviez pourquoi? Non? OK. Sans doute. Vous riez pas. Non, elle prend des notes. Connaissez-vous... Myriam Lemieux? Oui. Après votre rencontre avec votre charmante... Il y a beaucoup d'avec, hein? Sentez-vous qu'il y a de la redondance à cet instant précis? Oui. Mais vous en faites aucune mention, là. Vous êtes comme eau sur... eau sur quoi? Eau sur gaz? Non, eau sur glace. Eau sur glace? Vous êtes de glace, monsieur. Oui. Ah, on aime ça. Votre femme l'est-elle aussi? Oui. Oh. Mais pas avec son amant. Oui. Oui, avec son amant aussi? Oui. Parce qu'il aime patiner dessus? Oui. Comme Claude Nougaro aimait danser sur elle? Oui. Il a des connaissances générales. Il connaît Claude Nougaro. Danser sur moi, danser sur moi, danser sur moi. Ça ressemble à ça, hein, monsieur? Oui. Croyez-vous que j'ai une voix de crooner? De crooner. Oui. Oui. Aimez-vous tout, pas YouTube, là. Parce que YouTube, on sait que tout le monde aime YouTube. Presque tout le monde aime YouTube. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui aime pas YouTube? Si vous n'aimez pas... Attends, oui. Si vous... Excusez-moi, j'ai pensé sur lui, oui. Si vous n'aimez pas... Non, les gens n'ont pas compris, là. Parce que le monsieur, s'il veut... Regarde, ben, c'est moi qui contrôle. Mais si les gens n'aiment pas YouTube, comme on le dise maintenant sur mon courriel à Rénal Québec, même si Mme Vérin, Clio Vérin, ne croit pas au mot courriel, tout francophone, hormis la France, croit à ce terme. Monsieur, êtes-vous touché? Oui. Est-ce qu'on peut poursuivre? Oui. Est-ce qu'on peut aller ailleurs? Oui. Vers une autre chanson? Oui. Non, c'est pas le temps. Parce que c'est le mot tasse dans le château symbolique de la francophonie. Le mot tasse. On s'entasse dans la tasse, là. On nous demande à un moment donné, quand on va en voyage, au Népal, Peux-tu me ramener une tasse du Népal? Ben là, je sais même pas, ils font de la sculpture au Népal. Ils ont-tu les moyens au Népal? Et c'est comme si tu me dis, va en Éthiopie, puis ramène-moi une tasse. Là. Ça va être quoi? Des ossatures, puis je sais pas si ça va passer aux douanes, des ossatures, puis je vais te dire, c'est-tu une tasse? Non, c'est un crâne! Non, c'est pas vrai. C'est épouvantable. Là, quand tu vas dans des pays riches, comme, je sais pas, là... Ben oui, là-bas, là. Yes, où on se hisse avec la langue française. On haït la langue française, où on parle l'anglais. Je veux dire, à Paris. Quand on te demande, veux-tu m'acheter une tasse à Paris? Quand tu crèches, quand tu habites, quand tu te trouves à Pigalle, devant tant de magasins la chose, là, je sais pas, là, nous autres, on a eu la grande noirceur, fait que, c'est ce que je veux dire, là, tu sais ce que, ça va très bien, monsieur, et vous? Gaétan, ça va? Oui. Bon. Alors là, on dit choisir une tasse. Mais là, le monsieur a des enfants, puis il veut pas avoir des tasses trop pigalesques, là, avec pas de pin. Il veut rien. Là. Il veut juste une tasse écrite Paris. C'est à Pigalle. C'est pas facile, là, hein? Oui. C'est facile. Bon. Alors moi, j'en ai trouvé deux. Écrit Paris, France, non. Toutes des conneries là, de voyageurs pénibles. Puis là, je me suis dit que lui qui a jamais vu. Qui a jamais vu Pigalle. On va se dire c'est un régal, tout ça. Que j'ai acheté deux tasses. Puis là, j'ai dit, il en mérite même pas deux. La première, je l'ai laissée à mon ami André, qui en a dégusté tout le nectar. Et l'autre, ben, je l'ai abandonné au gérant. Le gérant d'estrade. Nous sommes les enfants de l'espoir. Nous sommes les enfants de l'espoir. La marche est vive du désespoir. On parlait des comédiens et des comédiennes que tu rencontrais au théâtre, puis même au cinéma, oui. Dans les téléséries. Tu en fais régulièrement? J'ai fait quelques tournages en tant qu'habilleuse. Je fais de la figuration aussi. OK. Et mais ça, est-ce que c'est quand on doit faire quelque chose puis il manque des individus? Non. Pour... OK. C'est prévu. Quand moi j'en fais, c'est parce qu'on me demande... de faire de la figuration parce que je rencontre des gens. Et tu sais que tu peux passer une journée à faire de la figuration puis au bout du compte, on coupe ce. Non, moi, je suis jamais coupée. Ah, t'es jamais coupée? Non, okay. Non, jusqu'à présent, j'ai jamais été coupée. Mais là, tu dis rien, t'es au café puis tu prends une bière et voilà, là, les comédiens ont une discussion. Ouais, voilà, ouais. OK. Non, parce que je sais pas, quand je fais de la figuration, je fais juste ce qu'on me demande. Enfin, j'essaie pas de faire en sorte qu'on me voit, ni de faire en sorte qu'on me voit pas, et j'ai pas peur de la caméra, donc du coup, ça passe bien. Et voilà. Donc, tu parles pas? Aussi, parfois, je parle quand même. Ah, mais c'est pas figurant? Oui, mais après, ça dépend dans quel contexte. C'est le cacheton là, qui est différent. Oui, après, ça dépend. C'est... Si t'as vraiment un texte à apprendre. Non, une phrase. Oui, voilà. Hey, barman, exemple. Non, c'est à partir d'un certain nombre de mots. Ah, okay. Ça dépend aussi des productions. Non. Ok. C'est, j'en fais pas mal pour Roland aussi. Et l'autre fois, j'ai dû improviser une petite scène dans une parfumerie avec un type. Et enfin, on était payé en silhouette. Il y a figurant, il y a silhouette, il y a comédien. Et ça dépend si c'est à la télé ou si là. Ok. Fait, le plus payant, c'est le cinéma. Je sais pas, moi. Les figures les mieux payées que je fais, c'est pour Groland. Je sais pas si tu connais, je sais pas si vous avez ça au Québec. Ça me dit quelque chose, c'est pas des cours... C'est sur Canal+. Ouais, c'est des sketchs. Ouais, hein? C'est une émission... burlesque un peu. Oui, voilà. Ouais, je connais. Qui a trait à l'actualité et tout. Oui, ça. Oui, c'est ça. Voilà. OK, mais donc c'est instantané, ça se fait rapidement, puisque l'actualité, c'est aujourd'hui, donc pas... Oui, enfin, c'est... on tourne, c'est difficile. Les sketchs sont diffusés une dizaine de jours après, généralement. Ok. Alors, faut pas trop non plus greffer à la réalité, puisque c'est déjà terminé après. Voilà, enfin, c'est mais ça parle de la du quotidien française. Comment? Du quotidien. Oui, plus ou moins, ou de la politique, beaucoup de la politique. Ok. Et puis voilà, puis c'est des trucs, des délires et tout ça. Mais toi, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? C'est la passion de... Du théâtre, en du fait. Du théâtre, moi, j'aime. Il y a peu de choses que j'aime autant que de parler théâtre dans les coulisses avec les comédiens. OK, parce qu'on en parle très souvent, on peut parler d'autre chose sauf du théâtre. Oui, bien sûr. Puis je suis relativement atypique comme... personnage. Comme habilleuse. OK, OK. Comme habilleuse, comme personnage, je ne sais pas. Mais disons que j'ai pas fait d'école. Si non. Tu veux. Mais comment tu t'es trouvée là? Oh, c'est une longue histoire. OK, mais allons-y. En fait, je ne savais pas trop... ce que je voulais faire de ma vie, après le bac, après... Mais tu as une formation en... J'ai fait un bac de lettres et langues, et ensuite j'ai fait une fac d'histoire de l'art. j'ai pas eu mon diplôme, je passais juste ma vie dans les, okay. dans les musées. J'étais super déçue, je pensais que ça allait être un truc d'artiste et pas du tout, quoi. J'avais des pissoirs qui décortiquaient des tableaux devant moi. Ça m'intéressait pas, je disais mais putain, mais c'est pas ça l'art, c'est pas savoir s'il y a le rouge qui répond à l'autre rouge. Enfin, c'est l'émotion. Ouais, c'est ce que tu ressens devant une toile. À l'époque, quand j'avais 20 ans, j'étais vraiment beaucoup dans la sensation. Je ressentais pas le besoin de penser ce que je ressentais, puisque ce que je ressentais me posait pas de problème, tu vois. C'est. Écoutez Radio Blagon. C'est parti là. Ah oui. Ça sert à rien. Mais c'est trop bon. J'aime les pommes, t'aimes les légumes. Moi je bois et toi tu fumes. Prête-moi 25 cents. Superman. Dieu bleu, jaune ou vert, on pisse pas plus loin que la mer, on va pas plus vite que le temps. Pas con, pas trop savant, on veut pas mourir à 33 ans. There's our persistent area cloudiness. It is beginning to move off, and there's a general area of high pressure that tomorrow will be pushing in on us, so that's going to be clearing things up. And then as that does, we'll be getting into some westerly winds too, so that'll help really dry things out and also bring in some warmer air. So as it is, it does. And we're in Washington, there are those evening showers coming through. And finally, late tonight, we begin breaking up, and there's the sunshine, although it won't be all over the east. There'll still be a lot of lingering clouds up to our north. Donc voilà, j'étais vraiment plus dans la sensation par rapport à ces trucs-là. Et ensuite, j'ai fait une école de bibliothécaire. Oh, mais ça, ça fait vieux. Travailler dans une bibliothèque, ça fait déjà petites lunettes sur le bout du nez. Et... j'ai pas de lunettes, pas encore. Mais bibliothécaire, on s'attend pas à une. Ouais, non. Okay. Non, mais en même temps, parce que j'ai toujours adoré les bouquins. Enfin, mon oncle, c'est un grand libraire. Ah oui? Oui, vraiment. Ah, sur Paris? Oui. Laquelle? Ça s'appelle Un regard moderne. Ok. C'est, à quel endroit? C'est rue Gilles Coeur. Ok. Quel arrondissement? Dans le 6e. Ok. Je te donnerai l'adresse. Oui, oui, oui, j'irai voir. C'est, parce que je c'est une librairie underground, c'est absolument génial. Les gens viennent du monde entier. Ah oui? Ah oui, vraiment. Mais est-ce qu'on y retrouve des livres actuels? Parce que je veux me procurer le nouveau livre de Chloé Mons qui parle d'Alain Bachon. Je ne suis pas sûre. Les derniers moments de Chloé. Je ne suis pas sûre qu'il ait ça, mais enfin, peut-être faudrait que tu demandes. Ok, moi je vais aller voir. Mais c'est très, très lié à l'art et okay. tout. Ah, ok. Très, très. Mais c'est. L'art, c'est, la musique, le cinéma. Ou la peinture, la sculpture. Mais enfin plus enfin l'art très contemporain okay. et tout après je veux dire il a tellement de bouquins dans tous les sens oh, oui, oui, c'est, et c'est lui qui t'a inspiré un peu bah oui j'ai baigné dans un peu là dedans quoi okay. et puis ouais et puis j'ai toujours bouquiné quoi mmh. donc, bah, d'ailleurs je suis en train de lire un super bouquin en ce moment. Vas-y. Ça s'appelle Le journal d'un corps de Daniel Pennac. Ah oui, Pennac. J'adore Pennac et celui-là ah mais tu c'est sais ça déroule beaucoup de personnes oui qui parle à travers l'âge hein. Oui, voilà, c'est un personnage qui écrit le journal de son corps, de ses toutes premières années jusqu'à la fin de sa vie. Il a un passage assez incroyable sur la jouissance masculine. Oui, ben, il y en Est-ce a que plusieurs. Tu l'as... Hein. Ouais, mais celui-là. OK, vers la... Je crois que c'est plus âgé, vers 80... Non, moi je suis arrivée... Non. OK, t'es pas rendu là? Non, pas encore. OK. Donc, me raconte pas, moi. Non. Mais il meurt à la fin. Hein. Ah, bah oui, je sais. Okay. Spoiler. Okay, non, c'est la grande mode de dire spoiler, ça m'énerve. Mais sais-tu que. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Spoiler, c'est. Non, attends, c'est ça? C'est quand tu. Quand tu. Dis la fin d'un film à okay, oui, des chute, gens qui l'ont chute, pas vu. La chute. Ouais, voilà. Okay. Mais imagine que je travaille dans un lieu public et mm-hmm. quelqu'un croyait que le romancier était mort. Mais c'est pas lui, c'est son personnage. Ouais, voilà. Puis il croyait que là, il est comme un peu tombé dans les nues en me disant comment ça qu'il a 83 ans, Pennac? J'ai dit non, c'est pas lui qui meurt, c'est son personnage. Il est génial. Et là, c'est je l'adore. Puis autant qu'il fait de la BD, parce qu'il a fait de la BD, un look et look avec un de ses copains, oui. Ah, je savais oui, pas. Oui, ça. Oui. À ça, tu m'apprends quelque chose. Ben, ça, écoute, je l'ai vu à Thé au Café sur France 2. Ouais. Qui parlait avec son meilleur ami qui était avec lui scénariste d'un Luc et Luc. C'est le dernier Luc et Luc. Ah, je savais pas ça. Ah, ouais, c'est super donc c'est récent? Ben oui, oui. Ah oui, c'est, d'accord. C'est 2011. Ah, c'est pas si récent que ça. Ah merde, je savais ben, pas. On est en 2012. Ben ouais, mais enfin quand même. J'aurais dû le savoir. Ben oui, écoute, ça prend un Québécois. Hein? Ouais, voilà. Donc, c'est un Québécois à Paris qui m'apprend. C'est ça. Puis quand même expert dans les métros, hein, parce que je t'ai appelé pour te dire... Mais ouais, non, mais c'est parce que j'aime pas la ligne 13. Et, OK, oui, c'est ça. Pour toi, c'est assez... Bon, alors là, tu t'es retrouvé avec les livres et ensuite avec l'art en général. Non, d'abord, j'ai commencé par la fac d'histoire de l'art. Et puis, bon, il fallait que j'apprenne un métier. Donc, j'ai appris le métier de bibliothécaire. J'ai pas eu mon diplôme. Mm-hmm. Mais bon, peu importe. Je me suis fait des amis. J'ai toujours, dans le milieu? Ouais. Enfin, dans l'école, okay. dans ma classe. L'air est sec et immobile. Drôle d'insecte, drôle de film. J'ai les jambes raides, du carton dans la tête. Derrière mes lunettes noires comme des yeux à facettes. Je suis aussi sec qu'une brindille qui craque, coléoptère dans sa mue qui éclate. L'air chaud monte comme une membrane sur l'horizon, étouffe les vibrations des cigales et des grillons. Mouvement ralenti, mécanique saccadée, entre les herbes qui ondulent. Insectes nobles et filiformes, mon stylo mandibule grignote la feuille. Le cuir brûlant du siège avant, la sueur dans les reins, le moteur au point mort,

ensuite j'ai fait des boulots à la con, enfin des trucs un peu alimentaires. Bah, j'ai gardé un peu des enfants. Ah non, on okay. même pas. Okay. Et bah, pourquoi, puis, pourquoi c'est... Non, mais non, parce que c'est un boulot super. Non, je dis pas que c'est mal d'être caissière ou quoi, mais c'est un boulot super ingrat, super mal payé. Enfin, c'est un peu. Non. Okay. non, j'ai bossé. Je devais répondre au téléphone pour une société qui vendait du matériel médical à des médecins. Oh, alors faut quand même connaître. C'est super mal passé. Mais il faut connaître le lexique, c'est pas évident. Bah, t'avais des formations et tout ça, et puis mes collègues étaient super gentils, mais moi, ce dont j'avais envie, c'était de parler de tertiaire. Tertiaire. Et elles étaient, c'était des amours, mais elles me disaient, oh, il est beau garou. Donc, tu vois, il y avait vraiment un problème. Enfin, je peux dire, je pouvais discuter avec personne. Et c'était tout. Plus commercial. Hein. Ouais, voilà. Enfin, c'était moins, pas. Et alors que c'était les deux filles avec qui je bossais, c'était des amours, quoi, vraiment. Vraiment, c'est pas. Mais c'est des filles communes. On entend, donc c'est l'art commun, l'art du spectacle. Ouais, on n'était pas du tout dans les mêmes tripes. Non, quoi. Après, je ne veux pas dire, moi, c'est bien ce que je sais. Ah non, mais tu vois, c'est un peu plus recherché, moins commercial. Bah oui, c'est clair. Ben oui. Bah ouais, mais enfin bon, après, c'est... Qui sommes-nous pour juger, c'est ça? Oui, c'est ça, mais après, j'ai pas de mérite. Enfin, c'est comme... Tu sais, je veux dire, je fais ma cultivée et tout. Non, c'est nos préférences. Pas par... comme quelqu'un de cultivé, mais c'est vrai que mes préférences vont vers des trucs plus pointus. Ouais, culturel Plus pointu. Pas le tout venant. Après, la culture populaire, ça peut être vachement bien aussi. Et Pagnol, c'est vachement bien. Oui, bah oui. Je sais pas, donc de Funès, c'est bien. Oui, il y a des trucs populaires que j'adore. Non, mais c'est pas pour cracher non plus. Mais pas garou, quoi. Les chanteurs québécois, j'ai beaucoup de mal, je suis désolée. Non, parce que t'as pas écouté les bons. Richard Desjardins, là, je suis sûr que... Voilà, mais il faudrait que j'écoute ce genre de trucs. Richard Desjardins, oui. D'accord. Ouais. Non, mais je sais pas, moi, ce que j'aime, c'est... Mais il y en a d'autres aussi, là, plus intellectuels, moins superficiels. Vous en avez beaucoup de superficiels aussi, là. Non, mais bien sûr, moi, ce que j'écoute dans les chanteurs français, c'est... J'ai passé pour une vieille réac, c'est Brel, Barbara, Brassens, Ferré... Gainsbourg. Gainsbourg un peu moins, mais bon, j'aime pas Gainsbourg. J'aime bien, mais c'est pas les trucs que j'écoute énormément, mais c'est vachement bien. Ok, évidemment. Les gens qui ne sont plus. Ben, Bachung non plus n'est plus. Oui, bien sûr. Non, Bachung, quelqu'un d'énormément de qualité. Ok, toi, c'est plus Brassens. Brassens, Brel, moi j'adore. Ferré. Ferré aussi. Ferré, un peu moins Ferré, mais j'ai certaines chansons de Ferré, c'est des trucs. La mémoire et la mer, toute la. Non, moi j'adore Jolie Bombe. Ah, Jolie Bombe, ouais. Bon, après, c'est un peu facile. De Nana, c'est incroyable aussi. Oui, c'est extra aussi. C'est du même album, hein. c'est assez spécial. Alors, pour revenir au théâtre, donc tu te... Oui, donc il y a des gens qui t'ont approché ou tu t'es retrouvé derrière la scène? En fait, quand je bossais dans cette boîte, c'était juste impossible. Ok. C'était juste, je veux dire, j'étais super mal. Mais c'était pas ton univers. Mais c'était tellement pas mon univers que au bout d'un moment, chaque fois que j'arrivais là-bas, j'avais perdu un truc auquel je tenais dans le RER, quoi. Et j'arrivais plus à me regarder devant un miroir et tout. Alors tu te trahissais. Mais complètement. Fais toute nue sous ton poule, y a la rue qui est ma boule jolie moum. T'as ton cœur à ton cou et le bonheur par en dessous jolie moum. T'as le rimel qui fout le camp, c'est le dégel des amants jolie moum. T'as pas rêvé, ça sent bon, fais-en don aux amis jolie moum. T'es qu'une fleur de printemps qui se fout de l'air et du temps. T'es qu'une rose éclatée que l'on pose à côté, jolie moum. T'es qu'un brin de soleil dans le chagrin du réveil. T'es qu'une vampe qu'on éteint comme une lampe au matin, jolie moum. Tes baisers sont pointus comme un accent aigu, jolie moum. Tes petits seins sont les jours à la corde, à l'amour, joli moum. Ta barrière de faux fond, ça fausse l'affaire, mais c'est doux, joli moum. Ta violette et le violon sont violentes et c'est bon, joli moum. T'es qu'une fleur de passe-temps qui se fout de l'air et du temps. T'es qu'une étoile d'amour qu'on entoile au beau jour, joli moum. t'es qu'un point sur lui, du chagrin de la vie, t'es qu'une chose de la vie, qu'on arrose, qu'on oublie, chalimôme. T'as qu'une paire de mirettes, au poker des conquêtes, jalimôme. T'as qu'une rime au bonheur, il faut que ça rime, faut que ça pleure, jalimôme. T'as qu'une source au milieu qui éclabousse du pendu, jalimôme. T'as qu'une porte en val blanc que l'on pousse en chantant, jalimôme. T'as qu'une peau, petite fleur, qu'on guimauve et qui meurt. T'as qu'une femme à repasser quand son âme est froissée, jalimôme. T'es qu'une feuille de l'automne, qu'on effeuille m'attonne. T'es qu'une joie en aller, va bah chez lui la retrouver, joli monde. T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qui est ma boule. T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qui est ma boule. Oh. Chers amis, si, si je vous ai bien compris, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.